the cat. Welcome home to our land. You fascinate me with your funny meow. I'll feed you catnip and sweet milk from the cow. Felix, in our backyard, you can hang up your hat. Make your pillow underneath a pussy willow. Felix the cat. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire et c'est Bulle de rêve, c'est le mois de Bulle de rêve, on s'est loupé le mois dernier, je suis content de vous retrouver. On commence par une petite phrase. L'essentiel, c'est la force interne du fond que le créateur porte en lui. Les moyens qu'il utilise pour s'exprimer sont interchangeables. Je ne reconnais pas la division du travail entre professionnels qui finalement mène à une stérilité de la pensée et un artificialisme creux. Je cherche une universalité de l'expression. En ce sens, mon attitude est celle d'un surréaliste militant. Voilà, le mot c'est militant aujourd'hui. On va essayer d'être le plus possible. Cette phrase vient d'une interview de Jan Švankmajer, un très grand animateur tchèque. Et pourquoi militant? Pour plusieurs choses, c'est que aujourd'hui je vais recevoir quelqu'un qui vient d'un studio. Je sais pas si on dit 3A ou AAA. Est-ce qu'on est obligé de dire? On dit 3A, c'est plus simple. Bon, donc on dit 3A, ça serait plus simple. Donc Mathieu Lamotte, bonjour. Bonjour. Avec lui, on va parler évidemment de plein de choses. 3A, pour ceux qui connaissent, on écoutera quelque chose. Et 3A, c'est notamment, évidemment, on peut pas passer ça, c'est Jacques Rouxel. Et Jacques Rouxel, c'est les Shadocks. Donc on va parler de ça un petit peu. Les Shadocks, c'est 68, c'est un gros boom dans le RTF. Donc on va voir un petit peu ça. Ensuite, on recevra... Jean-Yves Delépinay, du Forum des Images, qui nous parlera avec l'animateur, qui n'est pas encore là, j'espère qu'il va arriver. C'est toujours un petit peu le track du direct. Mais on devrait parler avec lui, donc, du Forum des Images et de Paris, vu par l'animation. Et on finira, cette émission, un mélange, on fait un petit peu reproché en disant que peut-être que l'animation était un petit peu loin du social ou du politique, ce qui est évidemment pas vrai du tout. Et j'ai voulu le prouver cet après-midi en parlant tout d'abord très rapidement de la représentation des Noirs américains, notamment dans le cinéma d'animation. Et on parlera d'un événement qui va se passer la semaine prochaine, le 29, sur Mounia. J'ai deux personnes qui sont là. Samuel Legitimus, bonjour. Bonjour. Et Elsa. Bonjour. Bonjour, voilà, qui nous parlera un petit peu, responsable. Ça sera à la fin de l'émission. Restez, on va parler d'un peu tout ça. Pour l'instant, évidemment, c'est le coup de cœur du mois de Bulle de rêve et de moi. Et je sais pas pourquoi je suis pas tombé plus rapidement amoureuse de cette jeune femme avec sa voix. Je savais que sa voix me plaisait. J'ai quelque chose que j'avais du mal dans la musique. Et là, elle a sorti un dernier album. Et loin de La Marche de l'Empereur, il y a cette chanson dans cet album d'Émilie Simon, Végétal, son dernier qui me plaît beaucoup. C'est Annie. On écoute et on revient après. Se réveille, Annie, s'est tombée bien. C'était donc du dernier album d'Émilie Simon, Végétal, Annie, une très belle chanson. Donc, Mathieu Lamotte, bonjour. Rebonjour. On va parler donc des 3A et des Shadok au début. Est-ce que, juste avant d'entendre un extrait, c'est difficile, c'est à la fois sublime, cet héritage des Shadok, et c'est pas un petit peu trop lourd quand on parle de Rouxel? À chaque fois, on parle que de ça. On va parler un petit peu parce qu'il y a un DVD qui sort, justement, qui s'appelle Les Shadok autrement. Donc, toujours mettre des Shadok, c'est. Non, c'était, pour moi, c'était pas lourd. Je sais qu'à une époque, c'était peut-être un peu lourd parce que Jacques, la dernière série des Shadok, il avait fait ça en 2000, mais avant, de 1972, donc la troisième série, à la quatrième série en 2000, il a fait plein d'autres choses, et c'est vrai que des fois, je pense qu'il avait aussi envie d'être connu pour autre chose que pour les Shadok, notamment pour toutes les choses qu'il a faites, tous les films d'entreprise, les films éducatifs dont on va parler pour le DVD, mais voilà, il avait plein de choses, et peut-être que oui, des fois il en avait un peu marre des Shadok, mais bon, ça serait plutôt Marcel Ponty, la créatrice de 3A avec lui en 73, à qui il faudrait poser la question. Donc, on va se replonger, je regarde mon technicien préféré, est-ce que ça marche? Si ça marche, on va se replonger un tout petit peu pour se faire plaisir dans l'univers des Shadok. Ah, ça ne marche pas. Je peux vous faire Claude Pied, mais à mon avis, je le ferais moins bien. Ça marche jamais du premier coup, de toute façon, chez les Shadok, il faut qu'ils essayent beaucoup avant que ça marche. On va essayer de pomper, voilà, tous ensemble dans le studio pour permettre de fonctionner. En tout cas, les Shadok arrivent, on va faire d'abord un petit historique, en attendant, j'espère que peut-être que les Shadok veulent bien nous dénier, nous parler. Qu'est-ce qui se passe avec les Shadok? Là, j'ai un vieux DVD. Les Shadok sont introuvables pour l'instant? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est encore en négociation, mais logiquement, pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine, on devrait avoir les quatre séries Shadok qui devraient sortir en DVD. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai qu'ils ont été sortis en 2000-2001 par Universal, mais que la commercialisation s'est plus ou moins arrêtée, enfin, n'a pas été suivie, donc depuis quelques années, voilà, c'est introuvable. Alors, les Shadok, on va, j'espère, l'entendre peut-être tout à l'heure, mais donc arrivent en 68, à l'ERTF, mai 68, ils sont nés un petit peu avant, c'est quand ça, 60... Non, c'est ça. Non, 68, mais ils ont commencé à diffuser un petit peu avant les événements, avant mai 68, et puis ils ont été arrêtés, bah, parce que de toute façon, tout est arrêté en mai 68. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un véritable tollé, quand ça arrive sur les écrans, c'est assez étonnant, en fait. Oui, bah, complètement, parce qu'en plus, après, au moment de la deuxième série, c'était un tel tollé que l'ORTF a créé une émission spéciale pour parler des Shadok, animée par Jean-Yann à l'époque, où il reprenait les lettres que Rouxel et les Shadok recevaient. Voilà. C'est doublement révolutionnaire, parce qu'évidemment, ça vient du service de recherche de l'ORTF. Et donc, les dessins, alors pour les animateurs qui nous écoutent, les dessins étaient faits sur une machine, et c'est un c'est plus grand qu'un timbre-poste, mais c'est... Voilà, c'était l'animographe, ça s'appelait. En fait, c'était une machine expérimentale qu'on avait demandé, qui est arrivée à l'ORTF, je sais pas trop comment, que Pierre Schaeffer, qui s'en occupait à l'époque, a demandé à Jacques Rouxel de faire quelque chose avec cette machine. Et puis voilà, il avait imaginé les Shadok, et puis il a animé les Shadok là-dessus, parce que c'était vraiment... on pouvait pas faire du Disney, on était obligé de faire trois ronds, etc. Donc il fallait être schématique et aller vite, etc. Alors là, toujours inquiet, je vous dis tout. Je me retourne encore une fois. Est-ce que quelque chose marche? Alors, on va essayer d'écouter... Nos amis les Shadok et leurs amis les Gibi, on essaye. C'était il y a très très très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate. Et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Au milieu du ciel, il y avait la Terre qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Gibi, il y avait des animaux qui s'appelaient des gibis. Voici un gibi vu de près. En voici un autre. Et quand il y avait trop de gibis d'un côté, la planète penchait, les gibis glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les gibis. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadoks de deux sortes. Des Shadoks avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète et des Shadoks avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Comme la planète Shadok changeait de forme, il y avait des Shadoks qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Shadoks. Les Shadoks et les gibis en eurent donc assez au bout d'un certain temps de vivre sur des planètes qui ne marchaient pas bien. Alors ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Terre qui avait l'air de mieux marcher. Voilà, on vient d'écouter le tout premier épisode des épisode de la première série. Voilà, premier épisode de la première série, ce qui a lancé Jacques Rouxel, ce qui a lancé ces personnages incroyables des Shadoks avec cette musique et cette voix invraisemblable de Pied-Plu qui donne quand même sa le ton au Shadok. On parlait un petit peu du côté alors militant sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il commence, je pense, à avec cette machine en effet un peu surprenante. Et alors ce qui est intéressant, nous faisons tout en transparence, on écoute. Ah alors donc c'est fabuleux, parce qu'en fait on va pouvoir faire deux choses à la fois. On va pouvoir parler du DVD qui sort en ce moment. En fait on va parler de Jacques Rouxel en lui-même. On va tant qu'à faire, c'est mieux, c'est l'écouter. Donc là, c'est 5 minutes uniquement avec Jacques Rouxel. C'est tout. Il y a un bonus assez intéressant qu'un documentaire réalisé par Jérôme Lefdupe. À chaque fois, je veux dire Lefdupe, qui était passé sur Canal à l'époque en 99. On a une bonne nouvelle. Tu vas nous dire une bonne nouvelle. Alors en fait, voilà, c'est ça que en clair. Dans la série qui est les Shadoks, dans les séries Shadoks, donc dans les DVD des Shadoks qui va sortir à la fin de l'année chez TF1 Distribution normalement, il y aura tout le documentaire de 52 minutes qui a été fait par Jérôme Lefdupe en 99, avec où là on a tous les intervenants et dont Jacques Rouxel qui explique son travail et ce qu'on a fait nous pour notre DVD qu'on va sortir, dont on parlera tout à l'heure, surprise juste après. C'est pas que je veux absolument parler, mais on va en parler parce qu'il est très bien. Bref, et donc dans ce DVD, on a regroupé les interviews de Jacques qui sont dans ce documentaire. Ça fait à peu près, voilà, c'est à peu près 5 minutes et c'est parti des bonus et où là, il explique son travail de. Alors comme il vaut mieux écouter l'auteur que moi en tout cas, ce qu'on va faire, non, mais toi tu connais, tu vas nous en parler, mais plutôt que moi, on va écouter Jacques Rouxel, vous allez voir, c'est passionnant, 5 minutes. Pour ceux qui connaissent pas les Shadoks, ça va vous dire plein de choses, et pour ceux qui les connaissent, c'est toujours un plaisir d'entendre la création et la naissance des Shadoks. On écoute Jacques Rouxel. Toute cette virulence, n'est-ce pas, toute cette hargne qui s'est abattue sur le RTF à la suite de la diffusion des Shadoks, eh bien, ça aurait dû s'abattre sur le monsieur qui se trouve là et qui dissimule sa rouerie derrière des moustaches, car en fait, voilà pour la première fois à l'écran, en chair et en os, monsieur Rouxel, qui est le papa des Shadoks. Né à Cherbourg en 1931, un bac obtenu au lycée international de New York, c'est pendant son service militaire dans la marine que Jacques Rouxel cultive son goût pour le dessin. Je suis resté 2 ans et demi, 3 ans, je ne saurais pas très bien, dans la publicité. Mais en fin de compte, ça m'emmerdait. Je me suis dit, arrête de faire le con. Fais quelque chose qui t'intéresse. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire de la télévision. Et comme par ailleurs, ça me plaisait beaucoup de dessiner, que je dessinais déjà beaucoup, je me suis dit, tu vas faire du dessin animé de télévision. Voilà, je résume. Hein. Premier projet, c'était des spots de 30... Peut-être une minute, je sais pas. Mais avec juste un gag, hein, avec un oiseau qui s'appelait pas le Shadok encore. C'est avec ce projet-là, sous le bras, que je fais le tour de différentes productions qui ont fait la fine bouche, jusqu'au jour où je suis arrivé au service de la recherche de l'ORTF.

Donc de 73 à 2002, on a eu que des voilà, il a fait que il s'est consacré énormément aux films éducatifs, aux films d'entreprise. Donc il s'est vraiment voué à ça et il a su mettre vraiment tout son talent et toute sa connaissance au service de ses films en fait. Donc il arrivait vraiment à intégrer le sujet et à s'approprier le sujet et à transformer un film qui aurait pu être un banal film éducatif en vrai film d'auteur où tout le monde apprend des choses, où voilà, et où ça reste vraiment encore agréable à regarder après 5, 10 ans ou 20 ans après quoi. C'était fait tous ces films. Alors on peut dire hein, il y a sur le DVD 1 l'innovation, la communication dans l'entreprise, des atomes et de l'électricité, voyage en électricité sur le volume 2, le sang. Alors tout ça c'est des séries hein, l'innovation c'est 2 fois 11 minutes, enfin pas tous des séries, il y a des cours aussi des atomes et l'électricité, c'est 14 fois 5 minutes. Voyage en électricité, le sang, l'entropie, les Matix, la douleur, le petit cirque tragique des Intel, le savoir, le monde et moi. Ça c'est sur les 3 DVD avec plein de bonus, plein de petits cours en bonus. Il travaillait étroitement avec des scientifiques, des philosophes, c'est ça, pour faire tous ces cours. À chaque fois de toute façon, il commençait pas un travail ou un film sans vraiment avoir compris le sujet, sans avoir donc après quand il avait étudié le sujet, etc. Il écrivait un scénario à peu près, enfin il adaptait un scénario qu'on lui avait donné, mais souvent qu'ils étaient assez mauvais, donc lui il réadaptait à sa sauce et il transformait ça en quelque chose de plus, je sais pas comment dire, de mieux, compréhensible, plus compréhensible. Et puis voilà. Puis après, il mettait ça, une petite dose d'humour, une petite dose de Shadow de temps en temps, et puis c'était parti. Et c'est vrai que la plupart de ses films, il a gagné je sais pas combien de prix au festival de Biarritz, qui à l'époque était un festival sur l'audiovisuel, un festival d'entreprise. Voilà. Donc tous ces films-là ont gagné, comme Le Sens a eu une carrière internationale. Même donc ces films sont encore, je dis 10 ou 15 ans après, sont encore vendus, diffusés régulièrement. Là, on nous a encore acheté des VHS du petit cycle tragique des Intel, parce que ça plaît encore dans les écoles, parce que les associations s'en servent pour éduquer les gens, pour il y a des choses sur la violence sur les enfants, donc voilà, ça marche pas mal. Enfin, ça marche pas mal, je veux dire, les gens, les autres, oui. Voilà. En plus, certaines séries comme celle sur l'électricité ont été mises à jour. Donc, il y a eu des choses qui ont été refaites. Voilà. Donc, nous, on a voulu que tous ces films soient vus, parce que c'est vrai que malgré des petits cercles associatifs, etc., ces films sont pas encore assez connus du grand public, et à mon avis, ils le méritent, parce que tout le monde peut apprendre des choses avec ces films, mais que ils sont. Moi, je sais que par exemple, la personne qui a fait le DVD, lui, c'était son plaisir en fait. D'habitude, bon, celui qui a fait l'autoring, etc., ils sont plutôt à voilà. La technique, machin, on passe le film vidé. Alors que lui, il regardait chaque film, il prenait plaisir, il commentait, etc. Donc ça c'était assez rigolo. Et donc voilà, il y a vraiment quelque chose autour de ces films qui à mon avis, est méconnu et qui peut plaire. Voilà. Alors, ouais, c'est justement, si j'ai souhaité aussi t'inviter, on va parler un petit peu aussi des 3A aujourd'hui, comment un studio d'animation fonctionne aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un challenge de sortir ce DVD. On parle toujours un peu hors antenne. On en parlait hors antenne, il y a 9 heures de programme sur 3 DVD pour, allez, on va le dire, même si on n'est pas à portée de la pub, mais c'est vrai que c'est un beau DVD, il est pas excessivement cher. C'est 42 euros. 42 euros, donc. À partir du 15 mai dans toutes les bonnes boutiques. C'est ça. Dans toutes les bonnes boutiques, c'est facile à distribuer? En fait, c'est oui, c'est assez facile. C'est qui distribue? C'est Zalis Distribution. En D'accord. fait, il y a Zalis Distribution, donc qui fait tous les grands réseaux commerciaux. Sinon, des fois, c'est pas toujours facile d'avoir accès aux rayons de la Fnac, etc. Donc, on a sur Internet, sur notre site Internet, à production.fr. J'en profite pour le dire. Il faut le dire. Sur isa.fr aussi. Ouais. Isa, c'est H-E-E-Z-A, qui est vraiment une espèce de qui est un magasin dédié à Internet, dédié à l'animation. Il y en a pas beaucoup. De référence de l'animation. On l'avait déjà invité. Voilà. Donc c'est assez disponible. En fait, ça a été assez simple, oui. Parce qu'en fait, on a sorti d'autres DVD. Et je dirais que pour trouver des distributeurs pour les autres DVD, ça a été beaucoup plus difficile. Mais on leur a promis un peu le DVD Jacques Roxel s'ils prenaient nos autres DVD, en fait. C'était un peu le. Voilà comment ça s'est passé. Donc c'est extraordinaire, le nom de Jacques Rouxel, heureusement, aujourd'hui est toujours un nom. Ah bah oui, parce que dans le milieu d'animation, c'est quand même quelqu'un de connu, de reconnu, ça, il y a pas de souci là-dessus. Et puis c'est vrai que je pense que là on a vraiment réussi quelque chose de bien. Moi je suis assez fier de ce DVD. Même si c'est vrai, peut-être qu'il n'y a pas marqué la durée, mais qui fait quand même 9 heures. Voilà, 9 heures. C'était juste dommage. Je disais juste qu'il aurait fallu marquer ça. Et les bonus, parce que moi je l'ai eu il n'y a pas longtemps, parce qu'il sort donc en Il sort le. Je ne sais pas si ce sera le 12 ou le 15 mai, mais enfin bon. Donc c'est ça, donc il sort en gros dans une quinzaine de jours, un peu plus d'une quinzaine de jours. Et donc je n'ai pas eu le temps de le voir, parce que moi je l'ai eu il y a environ 2 jours. C'est quoi les courts-métrages qui sont en bonus? Alors, pas mal de choses. En fait, il y a. Il y a un court-métrage, c'est plusieurs choses. Il reprend le DVD parce qu'il a oublié. Non, j'ai pas oublié, mais c'était... qu'est-ce qu'on a? Alors, on a pas mal de choses assez rigolotes. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Promesse, qui a été fait en 92 à base d'images d'archives d'élections présidentielles, commentées par les Shadocks. Alors, wow. C'est assez rigolo parce qu'on voit, il y a les plus grands, hein. C'est de Le Canuet, Charles de Gaulle, et puis... Mitterrand assez jeune et puis d'autres que j'ai oublié le nom qui est en train de faire leur discours à la télévision comme à l'époque en noir et blanc etc. C'est posé et les Shadocks qui interviennent comme ça qui font des commentaires etc. Donc c'est assez rigolo. Et puis on a par exemple un film qui s'appelle Le Bon Chien qui était fait en 89 qui est de la vidéo mais là c'était un essai de procédé d'animation, c'était un peu on va dire l'ancêtre des ancêtres du Flash. D'accord. Voilà. Donc et sauf que c'est quelque chose très c'est très très simple quoi, c'est encore une animation, c'est coloré mais c'est vraiment des petits mouvements comme ça très simples. Et La Mouette Verte, on a un film, donc le premier film, je crois que c'est le premier film réalisé par Jacques en 1965 à l'intérieur de l'ORTF et s'appelait La Mouette Verte. Voilà, quoi, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr une filmographie, des photos. Oui, pas de choses. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on a une vision. Justement, le titre est bien choisi pour ça, pour rappeler que Jacques Rouxel, c'est bien sûr les Shadocks, mais justement, qu'il a fait plein d'autres choses. Et moi, j'en ai vu beaucoup, je peux vraiment vous dire, c'est. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire que, alors, si vous n'avez pas d'enfants, ça vaut le coup quand même. Si vous avez des enfants, c'est bien. C'est vrai qu'il faut leur montrer. On apprend plein de choses. Et on apprend plein de choses. Ils apprennent plein de choses. C'est drôle. C'est intelligent. C'est, On a toujours un petit cousin, une nièce, un neveu. une grand-mère à qui je veux faire un cadeau. mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment encore une fois, sans, si j'ai voulu surtout, on va parler de l'autre DVD, mais à ce DVD-là, c'est que je pense que ça montre que l'animation peut, de manière intelligente et drôle, faire apprendre beaucoup de choses, et aussi bien aux grands et aussi bien aux petits. Et on peut donc c'est un très beau DVD pour ça. Alors celui-là sera facile à trouver. Celui dont on va parler maintenant, ça sera peut-être un peu plus difficile à trouver parce que on parlait quand même de la Fnac, etc. C'est quand même des magasins dit culturel, mais qui n'ont de culturel quasiment que le nom, parce que si vous voulez trouver certaines choses, c'est quand même assez difficile. Donc, je sais que vous pouvez le trouver, celui-là, caché derrière, vous savez, derrière les documentaires, derrière le coin, il y a un petit coin animation, parce qu'ils se disent, oh là là, mais ça, c'est pas pour les enfants, mais on va pas le mettre pas dans les adultes, on va le mettre où? Ah, ben, on va le mettre là, vous savez, tout au fond, juste entre, heureusement, il y a pas, enfin, ils vendent pas encore de porno, mais sinon, ce sera entre le porno et le truc, quelque chose qu'il faut pas voir, cachez-le, on sait jamais. Donc, le plus haut, c'est les 30 ans anniversaire AAA, ça, c'est vraiment bien aussi, il y a plein de grandes choses, on va juste, se faire plaisir, je vous l'avais déjà fait écouter, mais on va écouter une bande son très intéressante qui s'appelle Harlem Nocturne, ou la vision d'Harlem par Pierre Barletta. Très très intéressant court métrage. Est-ce que ça marche ? Thank you. c'était Harlem Nocturne, vous écoutez toujours Bulle de Rêve sur Radio Libertaire. Sam, t'avais quelque chose à nous dire à propos de la musique ? Oui, ça me rappelle un peu Mike Hammer, mais au-delà de ça, j'avais une question, puisque moi, c'est ma génération, j'ai vu ça au tout départ, c'est vrai que c'était complètement un ovni à l'époque, mais on avait des télévisions en noir et blanc à l'époque, alors je voulais savoir si les Shadocks ont été créés en noir et blanc ou ils ont été en couleur depuis le début. Non, non, ils sont en couleur, ils ont toujours été en couleur, mais c'est vrai que la plupart des gens avaient des télés noir et blanc. Donc, la plupart des gens ont vu les premières séries, j'imagine, en noir et blanc. Mais maintenant, quand elles sont repassées, maintenant, tout est en couleur. C'est très coloré. Même quand on essaye de se débarrasser des Shadocks, ils n'y reviennent pas. C'est un sujet, on pourra en parler des heures et des heures, parce qu'il y a eu tellement eu de choses. On en parle encore, d'ailleurs, en 2008, ça fera 40 ans. Et j'espère qu'on fera quelque chose pour leurs 40 ans, d'ailleurs. Je crois que j'ai rencontré qu'une seule personne jusqu'à maintenant qui connaissait pas les Shadocks. Donc je me suis demandé pourquoi, mais c'était bizarre. Mais voilà. Mais sinon, non, tout le monde connaît encore les Shadocks. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu sais si c'est le succès des Shadocks qui permet à Jacques Rouxel, à Marcel Ponty de créer Jean-Paul Couturier de créer les 3A, ou quelle est la volonté à la base de créer cette société? Moi, je pense que c'était un peu de quitter déjà l'ORTF, parce qu'ils étaient quand même employés à l'ORTF, enfin Jacques était employé à l'ORTF. Donc je sais pas exactement comment il est parti de l'ORTF, mais je pense que c'est une volonté d'indépendance et puis de faire des choses nouvelles. Puisque justement, il avait déjà travaillé un peu dans la pub avant, il avait fait d'autres films, etc. Donc il y avait, à mon avis, une volonté de faire un petit peu autre chose, quoi. Alors, 73 est créé, donc le CEO des 3A. En janvier 73. Janvier 73. C'est impressionnant les noms qu'il y a dans ce DVD. On retrouve bien évidemment Jacques Roussel, mais on retrouve Piotr Kamler. Alors, ça, c'est plus des noms qui vont parler évidemment aux fans et aux gens qui connaissent bien l'animation. Mais Piotr Kamler qui avait eu avec C'est le Pas, c'est ça, qui avait eu un prix Annecy. Voilà, le premier Standing Ovation Annecy. C'est incroyable. Mais donc, excuse-moi, je te coupe. Et donc, en fait, c'est vrai que maintenant, Le Pas, c'est un film assez bizarre, parce que quand on montre à des gens, ils pensent tous que ça a été fait soit en 3D, soit comme ça par ordinateur. Ils ont du mal à imaginer que ça a été fait avec une caméra 35, avec des retours sur la pellicule, etc. quoi. Ça, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est pour, excuse-moi encore une fois. Vas-y. Et donc parce que on reçoit aussi pas mal de mails à propos, parce qu'on avait sorti un DVD de Kamler, et donc on reçoit pas mal de mails pour de gens qui cherchent ce DVD ou qui voudraient racheter ce DVD. Il est plus en vente maintenant, mais un nouveau DVD Kamler va sortir dans 6 mois. C'est bien, ça, voilà. ça revoit un petit peu. Il y a un nom, alors là par contre, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est tout simplement on n'y peut rien pour lui, mais il est connu comme ça maintenant aujourd'hui, le papa de Kirikou, à savoir Michel Oslo, qui doit être un peu déçu d'ailleurs parce qu'il n'a pas été sélectionné à Cannes avec son dernier film, alors qu'il pensait vraiment être sélectionné. Donc on est désolé pour lui, mais Cannes, on le sait bien, n'est pas le royaume de l'animation, loin de là. Il faut qu'il y aille à Annecy. Comme ils le disent, voilà, il aurait mieux fait d'aller à Annecy plutôt que de tout prévoir sur Cannes. Ça aurait été bien mieux. Il va être à Annecy, puisqu'il y avait la conférence de presse d'Annecy, donc il sera à Annecy avec le film où il nous présentera et comment le film a été fait, mais on verra pas le film en entier, parce que je pense que le distributeur et lui étaient persuadés d'aller à Cannes. Peut-être qu'il va falloir que les gens de l'animation se rendent compte qu'Annecy aussi est important. De nouveau, la preuve, les Américains qui ne sont pas dans la dentelle normalement reviennent à Annecy pour montrer leur film, et il y a plein de choses vraiment bien. U, par exemple, va faire la cérémonie d'ouverture d'Annecy, il y a plein de choses, donc Michel Oslo aurait dû venir, tant pis pour lui. Et il y a sûrement, enfin pour moi, hein, donc c'est vraiment l'un de mes cours préférés d'Oslo, qui s'appelle La Légende du Pauvre Bossu. Oui, très peu animé finalement, mais avec un mouvement incroyable, un rythme incroyable. Ça a été dur de faire une sélection, parce qu'il y a combien, 19 films. 19 films. C'est pas évident. On voulait pas, parce qu'on a fait on a fait plusieurs films avec Kamler, plusieurs films avec Duty, plusieurs films avec Oslo, où il y a des films de Villars ou de Barletta. On a essayé de prendre un ou deux films par auteur déjà, et puis après on avait une question de place. Donc ça a été un peu difficile pour certains auteurs de prendre tel ou tel film, mais et de certains auteurs qu'on a dit excuse-moi, mais je t'avais dit qu'il serait, et puis en fait on n'a plus de place ou on pourra pas t'y mettre, voilà, mais sinon non, ça a été encore pour faire la sélection. Bon, alors donc c'est on voit en fait hein, l'évolution de 73 à 2005 quand on est producteur au 3A comme toi Mathieu, quand on est aujourd'hui, on va dire qu'est-ce qui motive pas à continuer parce que ça paraît évident mais qu'est-ce qui motive quand il y a tous ces gens-là, c'est une motivation de retrouver quelqu'un, de retrouver des auteurs aussi comme ça qui vont compter des histoires, des sujets. Bah, non, je pense que oui, c'est plutôt des histoires et des sujets ou des nouvelles personnes. On essaye toujours de faire des films. On n'essaye pas, enfin, j'essaye pas de me dire, bah, j'aimerais bien faire, de trouver un nouveau Michel Oslo ou trouver un nouveau Barletta. Enfin, ce serait pas très intéressant. Après, je sais pas, moi, on voit, il y a pas mal de gens qui passent, qui reprennent, qui restent ou qui repartent de 3A, qui font un film ou deux, qui s'en vont, qui reviennent. Voilà, ça bouge pas mal. Après, c'est vraiment, oui, c'est le rencontre d'un projet. Ça fait un peu bateau parce qu'à chaque fois que j'entends les gens dire ça, ils disent, il parle de rencontres, etc. Mais oui, en fait, c'est un peu ça, quoi. Et ça fait quoi? Malheureusement, Jacques Roxel nous a quittés il y a deux ans, hein. Par contre, et heureusement, il y a une personnalité importante de Marcel Ponty, cette femme qui est toujours là et qui défend. C'est important de travailler avec. Bah oui, c'est un peu la gardienne du temple, on va dire, au niveau de tout ce qu'a fait Jacques et au niveau de Shadok et de tous les films de Jacques Roussel, c'est vraiment elle qui décide des choses à garder, à faire voir, à montrer. Et puis, oui, bah, elle est encore là, active, etc. Il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a vu récemment, dans les campagnes de publicité, les Shadok arriver. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est parce que c'est un studio d'animation, on le sait bien, c'est difficile aussi à gérer, à mélanger? Est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on se dit, bon, parce que ça rapporte forcément, ce qui est bien, bon, heureusement, il faut quand même que la pub nous envahisse, il faut bien qu'elle rapporte d'un autre côté, qu'elle permette d'avoir de la création, au moins c'est la moindre des choses. C'est pas avec ce que nous payent les chaînes de télé pour des courts-métrages ou des choses, des documentaires maintenant qu'on arrive à bien vivre. C'est vrai que cette partie publicité, les Shadok ont toujours fait de la publicité, hein, ils ont fait pas mal de films de pub avec, ou des affiches, etc. Non, ben voilà, pourquoi pas, ça me dérange pas, enfin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un studio d'animation est obligé d'avoir ça, c'est complexe, dans ces 10 dernières années, il y a combien de courts-métrages qui ont été faits? Est-ce que tu peux le... Oui, parce que j'ai fait, en fait, depuis 2000, je sais qu'il y a eu 12 courts-métrages de réalisés à 3A. Et comme on le répète à chaque fois ici, ça veut dire que c'est quoi? C'est de temps à autre acheté, c'est montré dans les festivals, c'est de temps à autre acheté par une chaîne de télé. En fait, on va dire qu'il y en a, c'est acheté, sur les 12, il y en a un coproduit à Carté, deux achetés par Canal+, et puis après un par TPS, et puis après c'est des petites coproductions avec des télés locales ou avec des ou vendus sur les chaînes du câble ou vendus en télévision iranienne. C'est bien. Oui, c'est bien, on a vendu 4 à la télé, 3 à la télévision iranienne. Mais voilà, mais après c'est vrai que c'est des tout petits rapports, quoi. Donc on a des choses en fait complètement différentes aujourd'hui, on a aussi bien des on va finir là-dessus, hein. Le temps passe malheureusement toujours trop vite. Il y a des choses complètement différentes. On en a déjà parlé. Que moi, des choses que je préfère, d'autres que, hein, j'aime moins. Mais on parle de Flamme, Grelly Grelot, Twins and Speed, Plic Ploc. On sent quand même, hein, le changement entre les différentes années. L'intéressance des DVD pour ça aussi. Des films qui sont des fois même peu animés à une époque, qui vont être en tout cas, qui vont être très minimalistes au niveau de l'animation. Et par contre, des choses, alors comme Twins and Speed, qui là vont être au contraire plus dans l'actualité. Oui, aujourd'hui, ça suit un peu l'histoire de l'animation, on va dire. Enfin, c'est peut-être un peu un grand mot de dire ça, mais c'est vrai que ça suit un petit peu les techniques et l'évolution de l'animation. Et avec le dernier, c'est le dernier, L'homme est-il bon? Oui, L'homme est-il bon, c'est le dernier. Qui est d'après Moebius. D'après Moebius, oui, d'après la BD de Moebius. Là, c'est encore une histoire particulière parce qu'on a eu beaucoup de mal à le faire, ça a été long. Et voilà, en plus, on n'a eu pas de budget, en fait. On l'a fait avec zéro. Enfin. Le CNC était pas... Non, avec rien. En fait, avec rien, si, avec la bonne volonté des réalisateurs et des techniciens qui viennent gentiment travailler sur ces films gratuitement. Mais c'est vrai que sinon, là, c'est toujours un peu difficile. Bon, bah parfait. Et voilà. Et en tout cas, il faudrait dire maintenant aux chaînes de télévision qu'elles achètent. Parce que c'est vrai que comme les chaînes de télé achètent les films à la minute, et c'est vrai qu'à la minute, un film de fiction et un film d'animation, ça coûte pas le même prix. Et donc, il faudrait militer pour que les chaînes de télévision achètent plus cher les films d'animation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un film d'animation et payer le même prix qu'un. Enfin, c'est une minute. Donc, c'est que ça soit un film, soit un plan fixe, des effets spéciaux ou un film d'animation, c'est le même prix. Voilà. Alors qu'on sait bien que la production d'un film d'animation prend beaucoup plus de temps. Et puis après, c'est beaucoup plus dur. Enfin, c'est dur à financer quand même les films d'animation parce qu'on peut pas, on peut pas aller tourner. Parce que nous, on fait aussi des films de fiction et des documentaires. D'accord. Donc, c'est pour ça que je peux voir un peu la différence. Et c'est vrai que les films de fiction, on peut demander des aides dans les régions, etc. On peut les tourner. On va faire un plan en Alsace pour avoir 10 000 euros en Alsace. Mais voilà. Donc, mais là, c'est beaucoup plus dur. Alors, je me plains pas. Mais en plus, il faut d'abord se plaindre parce que c'est vrai que le système, et même s'il est intéressant, est vraiment très très loin d'être parfait au niveau du CNC, au niveau de toutes ces aides qui sont données, qui sont souvent en plus. Alors ça, un jour, faudrait le faire, mais je pense que personne ne va le faire. C'est un peu comme Médiamétrie, c'est-à-dire que la plupart des grosses chaînes étant très contentes de Médiamétrie, même si c'est un système absolument lamentable, et bien évidemment, les grosses chaînes se nourrissent avec Médiamétrie, qui nourrissent les grosses chaînes, etc. Donc on va rien dire. Et le CNC, évidemment, personne n'ose rien dire par rapport au CNC, sachant très bien qu'il y a, je vais pas dire des bribes, mais on parle souvent d'autres pays en disant, et évidemment en parlant des pays africains, en parlant des pays d'Amérique du Sud, en disant, oh, vous savez, dans ces pays-là, c'est un peu normal. Le CNC, je vais pas dire que ça marche comme ça, mais on en est pas loin des fois. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est toujours mieux que de connaître personne, ou en tout cas, faut être ami. Ça, c'est la petite chose sur le CNC. Un jour, on fera quelque chose là-dessus, si les gens du CNC veulent bien venir nous voir. On va finir quand même par redire tout ça, parce que même s'ils sont disponibles dans les magasins, tant qu'à faire, autant aussi les avoir dans les magasins intéressants, à savoir donc le site internet. C'est alors ces deux DVD plus d'autres sont disponibles sur notre site internet qui est www.aaa. En fait, au début, ça s'appelait animation à graphique audiovisuel. Donc pour les plus courts, ça s'appelle AAA, mais ça se fasse AAA au téléphone, ou ça donc on dit 3A. Donc ça s'écrit triple A en fait. D'accord. Voilà, donc aaaproduction.fr, donc notre site internet. On répète juste ISA. ISA, donc c'est H2EZA.fr. Hein, c'est un personnage, Colonel ISA. Voilà. Et on s'en vante à la boutique de l'AFCA, sûrement. Oui, sur l'AFCA aussi. Ils seront au Festival d'Annecy. Ils sont souvent dans les festivals. Prochain sera au Festival Off de Trouville aussi en septembre. Et puis encore trouvable dans les grands magasins. Dernier recours, si vous n'avez pas une autre solution, vous allez à la FNAC. Allez à Gibert, si vous êtes à Paris, ils sont mieux que la FNAC et Virgin. Ils sont souvent un petit peu plus connaisseurs. Et alors, au niveau des vendeurs, dites-leur bien que ça existe, que vous le savez, vous avez entendu parler, parce qu'évidemment, normalement... La FNAC de Bastille, ils les ont. Pas grand-chose. La FNAC de Bastille, mais il faudra chercher. Mais voilà, mais en tout cas, vraiment très bon. Merci beaucoup. De rien. Mathieu, bon courage. Merci. Bonne chance. Et puis, on se revoit, j'espère, bientôt pour nous parler de la suite. Et surtout, en fin d'année, donc... Hein, on va se faire plaisir avec l'intégrale des Shadowcats. Et ce documentaire, vraiment, vous en avez passé 5 minutes. Il va falloir voir ces 52 minutes complètes pour dire au revoir, bien évidemment, à Mathieu. Il fallait une chanson pour dire au revoir. Donc, sans tous ces goodbye placebo sur leur dernier album, Meds, on écoute. You are one of God's mistakes. You crying, tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches. And you still won't let me in. Now I'm breaking down your door. Try and save your swollen face. Though I don't like you anymore. You lying, trying, waste of space. Before our innocence was lost, you were always one of those less good lucky sevens. And a voice that made me cry. Your son, someone to whom I can. could relate. Your needle and your damage done remains a sort of twist of fate. Now I'm trying to wake you up to pull you from the liquid sky. 'Cause if I don't, we'll both end up with just your songs to say goodbye. My oh my, a song to say goodbye. Pour nous réveiller, s'il y en avait qui s'étaient assoupis, ce que je ne pense pas, parce qu'on parlait des Shadok et donc de son papa Jacques Rouxel et des 3A avec ces deux très beaux DVD que Mathieu Lamotte, producteur aux 3A, venait nous présenter. Et là, nous écoutions donc Song to Say Goodbye, une chanson pour dire au revoir avec la voix toujours troublante de Brian Molko. J'y peux rien, je craque à chaque fois, même si l'album Meds est loin d'être le meilleur. Très très loin d'être le meilleur, mais sa voix me fait craquer absolument, donc on l'écoute à chaque fois. Belle androgyne de Brian Molko, notre luxembourgeois anglophone. Donc, après cette longue éversion, Jean-Yves Delépinay, directeur des programmes au Forum des Images, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, on va parler. Alors, on parle souvent d'Animathèque ici, parce que l'Animathèque, c'est le programme que nous offre l'AFCA tous les mois à l'espace Kodak. Mmh. Et depuis, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire venir quelqu'un qui s'en occupait, on va dire, ou quelqu'un de l'AFCA ou quelqu'un qui s'occupait du programme pour nous en parler un petit peu plus. Souvent, l'annonce en fin d'émission. Et là, ça m'a paru intéressant de commencer en plus par le Forum des Images, puisque l'AFCA invite le Forum des Images pour une carte blanche qui s'appelle évidemment Paris s'anime. Alors, vous avez fait quoi? Vous avez tout repris, tout ce qu'il y avait d'animation On n'a pas repris tout, parce que vous savez peut-être, le Forum des Images, en fait, a une collection. C'était l'origine, d'ailleurs, de l'institution. C'est une collection de films dont Paris est le sujet et le décor. On a réuni aujourd'hui près de 7000 documents, quand même, de tout genre. Et c'est une des particularités, d'ailleurs, de ce fonds. Hein, c'est que, dès le départ, il était tout genre confondu, toute technique, et donc le film d'animation il prenait une part depuis l'origine. Alors on sait combien ça représente aujourd'hui sur les 7000? Environ 150, ce qui d'accord. est pas tellement. Il faut dire aussi que les cinéastes d'animation n'ont pas forcément tous mis Paris dans le sujet ou décor de leur film. Enfin, il y a des très jolies choses. Hein. Et donc là, ce qu'on a voulu faire pour cette carte blanche, puisqu'en ce moment, nous sommes fermés au public pour travaux, donc on se promène un petit peu partout, on en profite pour aller visiter d'autres lieux, et on a des relations évidemment régulières depuis longtemps avec l'AFCA, et ils nous ont gentiment invités à faire cette carte blanche. On a choisi des films, certains des classiques, mais qu'on voit peut-être pas assez, et puis certains qui sont plus rares, et qu'on était un peu content, voire fier d'avoir dans notre collection. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez découvert des choses que vous aviez oubliées ou que... Non, j'avais rien oublié, mais... Enfin, qui étaient plus sorties de la mémoire. Voilà. Des choses qui sont peu connues. Je pense, par exemple, ça c'est sans doute le moins connu de tous, c'est La Vilaine Lulu. Je crois que ça fait, on doit être les premiers à le montrer depuis qu'il est passé à la télévision, donc dans les années 60. C'est un film qui a été produit pour le magazine Dim Dam Dom. Ouais. Donc pour ceux qui s'en souviennent, il y en a peut-être qui s'en souviennent pas. Alors je dis un petit mot de ce magazine Dim Dam Dom, qui est un magazine féminin, mais qui a révolutionné un peu l'écriture de la télévision avec la collaboration de grands réalisateurs. Et puis il y a au milieu de ces magazines Dim Dam Dom, avec tout un tas de sujets sur des... C'était en plus un peu l'irruption de la politique à la télévision, c'est la même époque que 5 colonnes à la une, etc., où tout d'un coup on se met à parler de la société, on se met à parler d'autre chose. Et puis là il y a un objet très curieux qui est ce film La Vilaine Lulu, sur un scénario de Yves Saint-Laurent et des dessins de Yves Saint-Laurent. Donc il y a une relation avec la mode, puisque Dim Dam Dom était aussi un magazine de mode. Mais voilà, on voit que la mode, on peut en parler aussi un peu autrement. Un peu autrement, ouais. Alors on commence, il va y avoir quoi, une 15 films, je vois, une quinzaine de films. Mm-hmm. On commence en 1910, on va commencer dès le début, parce qu'on commence avec l'un des pères de l'animation, Emile Cole, et son film très très drôle, Le Songe du Garçon de Café, voilà, 1910. Bah, c'est un petit hommage qu'on voulait faire à Emile Cole aussi, parce que, alors là je vais trahir un petit secret, mais on espère pouvoir présenter dans les années à venir une grande rétrospective Emile Cole. Il y a quelqu'un, non, qui travaille beaucoup petit-fils qui a rencontré, qui est le gardien de l'œuvre et qui fait beaucoup pour la faire connaître et pour la restaurer, etc. Donc Pierre Courtecole. Voilà, je sais pas, quelquefois il écoute, profite pour saluer si jamais il écoute. Bien sûr, oui. Donc c'est quelqu'un de très curieux et qui écoute beaucoup ce genre d'émission. Et puis qui fouille chez Lacomont, je l'avais rencontré, qui fait beaucoup de choses pour essayer de retrouver, parce qu'évidemment les films sont, vous m'en doutez bien, 1910, les films sont très abîmés. Pas grand monde s'intéresse à forcément faire des restaurations. En tout cas, je pense que ça doit être difficile. Hein. C'est pas comme Franju, c'est pas comme d'autres cinéastes de prise de vue réelle, où là, d'un seul coup, qui sont des très grands cinéastes. C'est difficile à restaurer, en plus, problèmes techniques particuliers. Donc, Alors ensuite, on a quoi ? On n'est pas obligé de faire, je disais 1910, il y a plein de monde. Il y a André Martin, Patamorphose. Vous en parlez un petit peu, donc... Je vais surtout parler des petites choses un peu plus rares, peut-être, parce que je crois que les gens qui écoutent cette émission, ils connaissent bien le cinéma d'animation. Ouais, et puis il y en a d'autres, il faut montrer aux autres qu'il y a des gens aussi qui sont curieux, c'est bien. On a deux petites choses, par exemple, que je suis assez content d'avoir trouvé aussi, peu de gens dans l'animation les connaissent aussi, parce que c'est pas dans les circuits habituels. C'est deux petits films de Lortac. Alors Lortac, il est connu évidemment dans le monde de l'animation. Il a fait travailler beaucoup de gens. Il avait sa société de production. Mais là, il a fait deux petits films pour les Actualités Gaumont. Donc pareil, au début des années 20. Et par exemple, il y en a un qui s'appelle Totor la chasse aux rats. Donc l'événement, c'est qu'il y a, c'était saisonnier à l'époque, il y a une invasion de rats dans Paris, je sais pas quelle saison, je me rappelle plus, mais enfin c'est saisonnier, il y a une invasion de rats, et donc le préfet de police offre une récompense aux rats à chaque fois qu'un rat est tué. Et qu'on ramène à la préfecture un rat, il y a des chasses aux rats évidemment qui s'organisent, puisqu'il y a des gens qui se mettent à vivre de ça. Et Lortac a fait un tout petit sujet, c'est quelques dizaines de secondes, mais sur ce sujet, avec son écriture particulière. Et ça, c'est un film qu'évidemment il faut aller chercher dans les Actualités cinématographiques pour les trouver, parce que c'est pas sorti en tant que tel. Voilà, puis il y a aussi Échec aux voleurs d'automobiles, par exemple, du même Lortac. Donc ça, c'était évidemment en 1920, vous vous doutez bien que le vol d'automobile n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui. Oui. Mais en revanche, ça marquait les esprits. Donc voilà, Lortac a fait un petit film sur ce sujet qui est assez amusant. Donc si c'est bien, on aura un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois on vient de parler là de la télévision, on vient de parler de Gaumont, on va parler des Actualités Gaumont, il y aura des courts-métrages. C'est ce qu'on a voulu faire, c'est de faire d'une part un panorama assez complet dans le temps, on commençait en 1910 et pour un film beaucoup plus récent, et puis un mélange de techniques. Donc on a aussi bien du dessin animé, enfin Emile Cole, le film d'Emile Cole, il mêle l'animation et la prise de vue réelle. L'Ortac, c'est de l'animation au trait, tout à fait ordinaire. Et puis on va avoir, alors on a le Jean Image. Alors c'est pas un cinéaste qui est très très apprécié. Et en même temps, il y a des choses qu'il faut peut-être redécouvrir. Bon, il y a son long métrage qu'on va pas montrer là en l'occurrence, mais qui s'appelle Bonjour Paris, qui voit un peu mieux que ce qu'il a fait par ailleurs. Mais là, on va montrer un piccolo. Alors les piccolos, ils sont pas tous bons. Hein, on en a choisi un qui est pas mal, pour rappeler quand même que Jean Image a fait beaucoup de films sur Paris, et puis que c'était une personnalité importante de l'animation. Alors on a aussi un documentaire, on a choisi de montrer un documentaire qui est un film de Pierre Chenal, qui s'appelle Paris Cinéma. Ouais, okay. Alors là, pour ceux qui l'ont pas vu, il faut le voir. Hein. C'est passionnant. On va passer par l'atelier. Alors moi, je l'ai pas vu évidemment de Ladislas Starevitch. Ah bah revenez. Ah oui, non. Mais ça c'est évident. Oui, on voit effectivement l'atelier de Starevitch, et puis on voit également André Rigal, Saint-Augan, et on voit vraiment. Enfin, c'est un documentaire sur la technique. Hein. Donc on les voit. Starevitch au cas où, on en a parlé maintes et maintes fois. Starevitch est sûrement l'un des plus grands cinéastes d'animation du siècle dernier, le 20e, c'est un peu le roi de la marionnette, un russe qui s'est exilé en France, et absolument tout le monde aujourd'hui, de Burton à Jean-Marc Meyer, enfin bon, tout le monde dit à quel point Starevitch a été important, et puisqu'on parle des gens, et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il y a tellement de gens qui se battent pour les droits et qui veulent juste avoir les droits des films de leurs ancêtres. Il y en a plein partout. En prise de vue réelle, c'est une grande évidence. Chacun n'a absolument rien fait. Ils veulent. C'est bien dans l'animation parce qu'on a des gens passionnés. Oui. Et Starevitch, c'est la même chose. C'est la même chose. Martin Starevitch. Voilà, qui se bat. Qui se bat pour l'œuvre de Nagel. De son, voilà, tout à fait. Et c'est important d'avoir des gens comme ça. Voilà. Et donc, on a voulu aller jusque des films plus récents en rappelant. Par exemple, on a mis le dernier film qu'on va montrer, c'est un film de Guillaume Casset, qui date de 94, mais c'est pour rappeler le succès de son film Tous les nids de Paris s'illuminent, par exemple, qui est également un film parisien, mais qui a été beaucoup plus montré ces dernières années. Ouais. Donc on a voulu rappeler qu'il avait fait ce film-là, Le génie de la Bastille, qui est très bien également. On verra aussi Petit ciel de toutes les couleurs, de Jacques Rémy Girard. Voilà, ça aussi, c'est rappeler que... qui avait une vie avant la prophétie des grenouilles. Avant, oui, tout à fait, Jérémy Gérard. Voilà. Et puis avant, alors, je ne me rappelle plus bien, le petit cirque, ça se passe à Paris. Parce que lui, tout à fait. Valence, enfin, qui travaille là-bas, Folimage étant à Valence. Oui. Ah non, mais ça se déroule dans le métro. Enfin, ça commence dans le métro Bastille. Et il y a plein de films, d'étudiants qui sont. Vous n'avez pas de films d'étudiants dans votre film, bien sûr. Il y a pas mal de films d'étudiants qui se passent dans le métro. Le métro est un endroit qui plaît beaucoup aux gens de l'animation, évidemment, puisqu'il ça permet de partir dans des délires et partir. Donc, mais il n'y en a pas là, dans cette sélection. Non, on n'en a pas mis dans cette sélection, mais il y en a dans la collection, des films d'étudiants, beaucoup. Et c'est. Alors là, si on en parlera peut-être un petit peu après, c'est un axe qu'on souhaite développer. À l'avenir. On a reçu en plus, il y a deux mois, puisque le mois dernier, Ludren n'a pas eu lieu. Il y a deux mois, on avait Sylvie Porte à notre micro qui nous parlait du carrefour de l'animation, et c'est vrai de l'intelligence. Je ne cesserai de répéter de l'intelligence des étudiants, la plupart du temps, qui en plus sont libres de faire ce qu'ils veulent. Alors c'est vrai que souvent les gens sortant d'une séance d'étudiants disent oh là là, c'est difficile, c'est pas évident, parce que beaucoup, ont envie un peu de dire ce qu'ils pensent de ce monde qui marche un peu sur sa tête, et donc ils se disent on va montrer. Donc c'est vrai que ça fait des films qui sont souvent difficiles et souvent âpres, mais qui sont d'une importance, et puis ils osent, alors au niveau de la technique, ils osent plein de choses que, à mon avis, les grands s'empressent de regarder dans les festivals, ils se disent ça marche ça finalement, alors ça marche pas ça, et reprennent à leur compte par la suite. Donc c'est important de montrer plus souvent les films d'étudiants comme ça. Donc on va, c'est une très très belle. On peut pas dire un petit bonjour. Je sais qu'elle est en vacances. C'est Isabelle Vanini qui participe aussi énormément. Tout à fait. Hein, c'est notre spécialiste. Voilà, de l'animation. Il y a des choses. Il y a des choses assez étonnantes. C'est il y a un Yann Lenica. Oui. Fantôrôle dernier. Justicier. Parodie des feuilletons qui pour beaucoup étaient parisiens. Des feuilletons du début du cinéma. Donc, c'est l'univers des vampires, c'est le feuillage, Des fantomas et autres Barabbas. On va parler un tout petit peu plus tard de la vision un petit peu de l'acteur, enfin, ou même du père du personnage noir américain dans l'animation. Il y a évidemment d'un seul coup, alors on se dit, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est le petit Africain? Il y a un film qui s'appelle Le petit Africain du voyage de Badabou, Henri Gruel. Parce que c'est vrai que en France non plus, on n'a pas eu beaucoup de, on a assez peu de, allez, on place terme horrible qui est minorité, ou en tout cas, on a assez peu de représentation comme ça dans l'animation finalement. Est-ce qu'elle est aussi caricatural que ce qui se passe aux États-Unis jusque dans les années 60, ou est-ce que c'est un peu autre chose dans ce film-là? C'est un film qui est dans un univers très enfantin, et donc non, il est, je crois, enfin, il faudrait le revoir. Cette aune-là, c'est difficile, je me méfie un petit peu de ça, il faudrait le revoir. Mais en tout cas, c'est pas un film caractéristique sur ce plan. Hein. D'accord, c'est pas caractéristique. On peut le voir. Non, parce que c'est vrai que on va en parler, mais c'est. Non, dans le monde souvent la cinéma de la facilité. Il y a évidemment des choses beaucoup plus caricaturales, notamment évidemment dans le film américain, vous en avez parlé. Bon, voilà, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, allez, si on devait, on a parlé tout à l'heure du documentaire. Après, on va parler aussi un petit peu. On va avoir une petite pause musicale. On va parler ensuite du forum et tout ce que fait le forum. Parce que j'ai commencé en parlant de militants. Et c'est vrai que des fois, on est militant sans le vouloir. Des fois, on est militant en le voulant. On en parlait avec tout ce que fait par rapport à Moumia, Samuel et Elsa. Des fois, on devient un petit peu comme ça. Et c'est vrai que le forum est devenu, au fil des ans, quand je dis militant, l'un des lieux principaux au niveau de l'animation, si ce n'est le lieu principal, on le devient, c'est ce que je pense, on le devient comme ça, ça devient justement au fur et à mesure. Au fur et à mesure, oui, bien sûr. En même temps, il y a eu une volonté très tôt, justement, hein, ce que je disais tout à l'heure. Très tôt, il y a eu une volonté de ne rien exclure. Donc ça, c'est déjà une position militante en soi, hein, de n'exclure aucun type de cinéma. Donc c'est la raison pour laquelle on accueille aussi bien le film d'animation que le festival gay et lesbien, l'étrange festival, ou bien le cinéma muet en concert. Enfin, Nemo qui malheureusement se termine là ce week-end. Vous avez encore le temps d'aller un petit peu voir Nemo, mais qui est normalement forum. Il y a cette volonté de ne rien exclure, le film d'entreprise, le film publicitaire, enfin tous les types d'images, de les traiter avec le même sérieux, donc de ne pas. C'est aussi une façon de poursuivre, hein, et de poursuivre un peu autrement le travail qui était celui des cinémathèques classiques, je dirais, qui s'est quand même beaucoup centré sur le cinéma de fiction, de long métrage, pour schématiser, parce qu'il y a aussi évidemment des documentaires et des courts métrages dans les cinémathèques, mais globalement c'est quand même autour de ce cinéma-là que c'est construit. Nous, on avait cette chance, je dirais, d'être dans une logique thématique. Ce qui nous a permis, dès le départ, de dire, ben oui, mais justement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre cette thématique à bras-le-corps en montrant que on s'enrichit à regarder, au contraire, comment tous les genres, toutes les techniques la traitent, cette thématique. Donc, le cinéma d'animation s'est trouvé, dès le départ, intégré à notre projet. Puis après, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a pas quitté cette thématique qui reste au centre de notre collection, mais dans les programmes on l'a élargi, etc. Ben on s'est rendu compte que le cinéma d'animation, ben là aussi il y avait énormément de choses à découvrir qui n'avaient pas été présenté au public comme ça devait être présenté. Donc, évidemment, par exemple, Nouvelles Images du Japon. Alors voilà, on dira encore un petit merci, encore un grand merci à Xavier Cavotopor qui s'est arrêté l'année dernière, l'année dernière, et on souhaitera bonne chance à Frédéric Lavigne, merci, qui vient de prendre sa place. Je serais étonné que là où il est, Xavier Cavotopor ne recommence pas à nous montrer du cinéma d'animation maintenant. D'accord. On serait surpris. Bon, ça serait une bonne chose. Parce que les passions ne s'éteignent pas comme ça. Non, surtout une passion comme ça, et surtout qu'on a réussi. Alors, l'Animathèque, ça sera le mardi 25 avril, c'est tous les mardis, hein, tous les derniers mardis du mois. C'est à l'Espace Cinéma Kodak, c'est 26 rue Villiot, Paris 12e. Donc, je répète, espace cinéma Kodak, 26 rue Villiers, Paris 12e. Vous avez le site du Forum des Images, hein, qui est www.forumdesimages.net, ou le site de l'AFCA, qui est www.afca.so.fr. Donc là, voilà, vous avez ça. Vous pouvez, je le répéterai, mardi 25 avril, 19h30, espace cinéma Kodak. Si, allez. Avant de passer à autre chose, s'il devait y avoir un film que les gens doivent absolument voir, c'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent. Lequel ce serait dans cette animathèque? Je pourrais parler de tous, mais je vais en prendre un dont j'ai pas parlé. Alors, je vais prendre Un matin ordinaire de Michel Gautier, parce qu'il est peu connu. C'est un beau dessin et c'est un film militant antiraciste, fondé sur un fait divers, qui, à l'époque où il est sorti, a été beaucoup vu, et je crois maintenant est un peu oublié, alors que c'est un très beau film. Donc voilà, comme j'en ai pas parlé, mais tous les autres méritent d'être vus. Eh ben, parfait. Parfait. Donc on se précipitera à cette soirée, vraiment, comme toujours avec les animathèques, mais là, en plus, elle est longue, hein. Elle fait, je crois que le programme, j'en parlais. Ah ben, on fait 120 minutes, non? Non, il fait moins que ça, mais oui, c'est un programme un peu chargé. Mais pour une animathèque, c'est une... Oui, c'est un programme un peu chargé. Voilà. C'est pas cher, l'animathèque, et en plus, il y a plein de films à voir, donc ça vaut vraiment le coup. Oui, mais c'est notamment le film de Paris Cinéma de Pierre Chenal, qui fait que c'est long, parce que c'est un court-métrage un peu plus long que les autres. D'accord. Mais celui-là aussi mérite vraiment d'être vu. Non, on sent, hein, il faut absolument venir. On va écouter des sons. Il y a trois sons qu'on va écouter, qu'on va écouter maintenant. On va écouter, alors, ne soyez pas surpris, surtout restez bien. Vous allez entendre de la musique, vous allez entendre juste des bruits, et ensuite vous allez entendre un extrait bilingue, donc surtout ne vous dites pas j'ai changé, vous connaissez mon habitude, si vous suivez un petit peu Bulle de Rêve à bidouiller. Donc je regarde Nicolas qui me dit oui, qui me fait des grands signes en me disant c'est bon, ça marche. Donc on y va, on écoute, et après je vous parle un petit peu de ce qu'on va entendre. Mon merle a perdu son bec. Ah, mon merle a perdu son bec. Tiens, un bec, deux bec, trois bec, Marlot. Comme avait dit mon merle, comme avait dit mon merle chanté. Comme avait dit mon merle, comme avait dit mon merle chanté. Mon merle a perdu son œil. Ah. Mon merle a perdu son œil. Oui. Un œil, deux yeux, trois yeux, un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comme avait dit mon merle, comme avait dit mon merle chanté. Comme avait dit mon merle, comme avait dit mon merle chanté. Mon merle a perdu sa tête. Oh! Mon merle a perdu sa tête. Non! Une tête, deux têtes, trois têtes, un œil, deux yeux, trois yeux, un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comme avait dit mon merle, comme avait dit mon merle chanté. Comme avait dit mon merle, comme avait dit mon merle chanté. Mon merle a perdu son cou. Ouh! Mon merle a perdu son cou. Ouh! Un coup, deux coups, trois coups, une tête, deux têtes, trois têtes, un œil, deux yeux, trois yeux, un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comme avait-tu mon merle, comme avait-tu mon merle chanté. Comme avait-tu mon merle, comme avait-tu mon merle chanté. Mais entre. Oh, tiens. Un chat. Mmh. Mmh. はあ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。 なんだと？ これ、お土産です。食べてください。 うん？誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った？第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか？それからそのトマトだって、俺の畑のやつだ。なんだ？赤くもならないやつを蒸して。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。言ってしまえ、猫め。 まあまあまあまあ、先生、そう怒りになっちゃお体に触ります。おうや。 ああ 。 ははあ、Ludwig van Beethoven。Je crains qu'il soit un peu trop difficile pour toi. Tâche de trouver de la musique plus facile. Tu sais, je peux te donner des conseils. J'ai une idée. Schumann, la rêverie, c'est pas une bonne idée? Essaie de jouer ça. Quoi? C'est toi un chat qui va me dire ce que je dois jouer? Ouais. Mais peu importe, je t'écoute. Voilà, on vient d'écouter. Alors, faut que je vous donne évidemment l'explication. On vient d'écouter. Vous êtes bien toujours sur Radio Libertaire, Bulle de Rêve, on parle toujours d'animation. Alors vous écoutez trois choses. Ce que je voulais vous faire écouter, c'est un petit peu la diversité de ce qu'on peut voir dans les après-midi des enfants. C'est le Forum des images qui a créé ça il y a longtemps, qui a été repris un petit peu à droite à gauche par d'autres institutions. En tout cas, le Forum l'a vraiment créé depuis longtemps. On a écouté trois choses. Au tout début, vous avez entendu une petite comptine, une petite chanson, qui paraît-il se chante quand on est sous, mais là non, qui s'appelle Le Merle, où en effet, donc c'est un oiseau. Alors, Elsa nous parlait d'un aigle, c'est ça, une chanson avec un aigle. Mon aigle a perdu une plume. Voilà, donc trois plumes. Donc voilà, en fait, il perd l'oiseau perd quelque chose et ça revient en trois fois. C'est un film de Norman McLaren et c'est un film que vous pourrez voir dans un des programmes des après-midi des enfants qui s'appelle La leçon de musique qui sera le 17 juin. On est encore loin, mais à 15h, c'est pour vous donner une idée. Ensuite, vous avez entendu l'un des courts-métrages les plus drôles que vous avez peut-être déjà vu, mais tous ces bruits qui étaient avec quelque chose qui tombait, c'était Au bout du monde de Constantin Bronzit, un court-métrage absolument hilarant qu'on retrouve sur le DVD numéro 1 d'Animatic de la collection Repérage, qui est une maison sur une montagne, un coin du monde, et ça va dans tous les sens, c'est très très drôle, et ça va passer dans un programme le mercredi 31 mai qui s'appelle Big Bang et autres fantaisies. Et ensuite, vous avez entendu, alors, mi-français, mi-japonais, l'un des films préférés de Cécile Ambeku, du meilleur réalisateur d'animation japonais d'aujourd'hui. Non, pas Miyazaki, bien évidemment, mais Isao Takahata. Oui, je sais, c'est personnel, mais à mon avis, il est meilleur que Miyazaki, même si Miyazaki, évidemment, est un très, très grand réalisateur. Takahata fait plein de choses complètement différentes, et c'est ça qui lui donne son originalité. Chaque film est nouveau, et là, c'est Gochu le violoncelliste. C'est une histoire absolument incroyable, qui est tirée d'un roman où un petit garçon, enfin un garçon, non, un jeune homme, on va dire, n'arrive pas à jouer de son violoncelle, il a du mal, et chaque nuit un animal va venir, là on a entendu le chat, va venir et va le pousser un peu dans ses retranchements en disant mais tu sais pas jouer, comme là le chat lui disait, puis il va jouer quelque chose et puis etc. Et à la fin évidemment il saura jouer et va se rendre compte que ben voilà, que tous ces animaux l'ont poussé à bien jouer, et ça passe, oups, mais c'est bon, on peut faire les deux, ça passe samedi prochain à 15h, mais on peut jongler avec l'événement dont on va parler après sur Mia, vous allez voir. Voilà, donc les après-midi des enfants, c'est plus au Forum parce que c'est fermé, c'est au Centre Wallonie-Bruxelles. C'est au Centre Wallonie-Bruxelles qui nous accueille pendant notre fermeture. Toujours comme autrefois, tous les mercredis et samedis. Et c'est toujours passionnant. Il y a vraiment un mélange. Moi, je parlais, bon, évidemment, on parle beaucoup plus de ce qu'il y a de cinéma d'animation, mais il y a vraiment un mélange. On présente aussi bien Arsenic Fille Dentelle que Big Bang qui va passer plusieurs courts-métrages, des McLaren, des Tex Avery. Voilà, c'est le même effort que celui dont je parlais tout à l'heure, c'est de n'exclure aucun cinéma, ni d'ailleurs aucun public. Donc, on travaille aussi pour les enfants, pour les personnes âgées, pour ceux de tous âges. Enfin, on s'occupe pas vraiment de l'âge, d'ailleurs, en fait. On s'occupe des films. Plus que ça, parce que ce qui est intéressant, c'est bien de montrer les films. C'est très, très important. Ce qui est passionnant, c'est non seulement montrer les films, mais c'est aussi, bien sûr, de les accompagner. Alors, Pour ça, par exemple, lors de la leçon de musique du 17 juin, c'est une séance accompagnée d'un éveil musical par Hélène Vouet et Simon Drouin, des musicoliers. Donc, à partir de 3 ans, on amène les plus petits dans les salles, on leur explique, on leur montre. Donc ça, c'est important De faire ça. Effectivement, maintenant, Forum des images, il y a Forum. Il y a bien sûr la référence géographique, mais il y avait aussi l'idée que le cinéma, c'est un art qui se découvre à plusieurs, et qu'il faut en parler, qu'il faut effectivement que ce soit collectif. C'est comme ça que c'est fait, c'est comme ça que ça doit être présenté. Effectivement, au Forum des images, on essaye de provoquer beaucoup ces rencontres, ces discussions. Et avec les enfants, ça prend quelquefois la forme d'une transmission particulière. Donc les musicoliers, on travaille avec eux depuis très longtemps. C'est leur travail, justement, de penser à cette transmission de la musique aux enfants. Et donc, cette séance-là se fera. C'est très très pertinent en plus par rapport au film, justement, qui est quand même un film d'initiation. Mais c'est pour ça, ça que c'est passionnant. Alors, ce qui est passionnant, c'est les enfants, certes, mais aussi on pense aux grands. Et il y a notre ami Jean-Pierre Pagliano, qui est un grand historien du cinéma et du film d'animation. On va presque malheureusement finir là-dessus, mais parce que je tenais absolument à parler. Voilà, parce que le 5 mai, à l'école du Louvre, toujours pendant les cours de cinéma. Voilà, alors tous les vendredis, on fait un cours de cinéma, Paris fait son cinéma toute la saison. Il n'en reste plus que 3, donc il faut se dépêcher. Et le prochain, est le 5 mai, et il est consacré au cinéma d'animation qui a filmé Paris. Et c'est Jean-Pierre Pagliano qui viendra l'assurer. C'est un cours qui dure une heure, de 6h30 à 7h30 tapante, donc on peut rentrer dîner si on veut ou aller ailleurs. Il faut vous dire un peu tôt, ouais, parce que quelquefois on refuse du monde. C'est une belle amphi de 600 et quelques places, mais on refuse quelquefois du monde, donc il faut venir un quart d'heure avant, ou si on arrive au dernier moment, on a un petit risque. Et rassurez-nous, parce que je voulais pas vous laisser partir avant que vous nous rassuriez. Les après-midi les après-midi des enfants se terminent. On va les suspendre à partir de septembre, tout simplement pour mieux préparer notre réouverture en mars. Est-ce que le forum va continuer lors de sa réouverture en 2007 à être l'un des fleurons comme ça du cinéma d'animation? Oui, c'est bien notre volonté. Donc, je peux déjà confirmer que le rendez-vous mensuel que nous faisions, dans lequel on a invité les grands cinéastes, parmi les plus grands cinéastes, oui. Je crois qu'il y en a quelques-uns qu'on n'a pas encore invités, ce qui fait qu'on a encore des choses. C'est qu'Isabelle voulait absolument, notamment les frères Coué, les gens qui ont un petit peu plus d'hommage, mais il y a quand même les plus grands. Je veux dire, ils sont passés, Takata est passé, Arnaud. On n'a pas réussi à faire venir Yuri Norstein. Mais on ne désespère pas, il faut jamais... On parlait de l'horizon dans le royaume. Donc effectivement, on reprendra ce rendez-vous sous une forme un petit peu différente, certainement, mais on le reprend. On travaille sur différents projets importants autour du cinéma d'animation, donc oui, on restera certainement un lieu, j'espère, important pour le cinéma d'animation. Si je dis ça, c'est qu'évidemment j'ai entendu certaines choses, et donc je suis très content. Évidemment, on va pas les dire maintenant, mais je suis très content parce qu'en effet, il va y avoir de nouveau plein de belles choses qui vont se passer en 2007. Merci beaucoup. On rappelle évidemment l'Animathèque qui est donc mardi prochain à 19h30 à l'espace Kodak. Voilà, et le 5 mai donc à l'école du Louvre. Parfait. Pagliano. Merci beaucoup. On va se quitter, non pas avec une chanson, on va se quitter directement, et on en parlera un petit peu plus après avec Samuel et Elsa. Je voulais absolument faire écouter, c'est un petit peu long, mais tant pis, on va l'écouter, un court-métrage. On va écouter le court-métrage en entier, je suis désolé pour les non-anglophones, j'ai essayé de voir s'il y avait en français, ça y est pas. Mais c'est un court-métrage très important pour la communauté noire américaine notamment, qui a été évidemment très longtemps mal représenté, et encore je suis gentil quand je dis ça, et c'est Spike Lee lui-même dans The Very Black Show, qui est un de ses films, disait que John Henry était l'un des rares films américains à offrir une image digne du noir américain. Donc on va écouter en anglais malheureusement To John Henry, qui est un film de George Pal, qui n'a pas été exempt pourtant de choses moins belles, on va dire, par rapport au noir américain. Mais en tout cas, John Henry est vraiment un personnage. C'est aller, on va dire, un petit peu, je sais que les facilités, c'est terrible en journalisme, mais c'est ça, c'est un peu le grand frère de Kirikou, puisque vous allez l'entendre à un moment donné, il se présente à sa mère en disant, et je me demande même si Michel Oslo ne s'est pas rappelé de ça, puisqu'il se présente à sa mère en disant, mère, me voilà, je m'appelle John Henry, ce qui nous rappelle évidemment le petit héros de Michel Oslo. On écoute John Henry maintenant, il y en a à peu près pour 7 minutes, j'espère que... Et vous allez voir, vous entendez de la musique, c'est absolument passionnant. On écoute. John Henry, John Henry. The whistles was blowing in the heel of the storm. The night was dark, clouded, and the weather was warm. The treetops was huddled together in the night, and the wind kind of whispered, like a scared wind might. It was 48 hours from evening till morning, on that big black night, when John Henry was born. He was 4 foot wide and 12 foot long. He had muscles of steel, much like Gabriel's horn. He was 6 and 2 hurt just the minute he was born. John Henry. My name's John Henry, woman. Pleased to know you, son. I'm your ma. Now, the boy John Henry never lived by the rule. The valley was his home, and the river his school. But when he first saw the railroad with its tracks of steel, when he first saw the engine with its mighty wheel, he knew this was his calling. Railroad tracks was his son. And John Henry went to work on the sea and all that. I've been working on the railroad. My name's John Henry. I got muscles of steel and I was born 3 weeks ago. I reckon it's about time I got around to working. But there was trouble in the offing for the steel-driving men. For the railroad bought an engine could do the work of 10. An engine that could hammer while the steel sparks flew. An engine most inhuman. All day. Inky. What are we going to do? That engine's going to take our jobs away. How are we going to drive steel when that engine does it better? Faster. Quicker. Deeper. Harder. Just leave everything to me. What you going to do? Name is John Henry. I aim to show up that engine. The Inky Pool? How you going to do that, Mr. Steel Driving Man? With my 2 bare hands. With my 30-pound hammers. But the Inky Pooh's an engine, a machine. You can't beat an engine. The man ain't born that can beat a machine. Ain't no machine made can beat a man. Once a man's got a mind, he can beat that machine. Henry. The sun was ablazing from the sky of blue. On the day John Henry met the Inky Pooh, the Big Bend Tunnel was the place they'd set for the steel-driving race man would never forget to see young John Henry match his muscles and might against the Inky Pooh in a working fight. it, woman. But you'll be hurt. You'll be killed. Stop fussing at me, woman. I can't stand a fussing woman. No, John Henry, no. He beat the machine. He drove more steel. And is steel driving that John? John Henry's dead. Has a way of making big men bigger and strong men stronger. And even if John Henry wasn't as big as the stories say he was big, or as strong as stories say he was strong, he was still a mighty man, a steel-driving man who worked with his hammers in the blazing sun and in the pouring rain, driving his steel, building a railroad, building the country. That's him, John Henry. American working man. John Henry didn't die back there at Big Bend Tunnel. He just showed that a man can do anything a machine can do if a man only has a mind to do it. No, John Henry didn't die. He just stopped living in his mama's shack there beside the river and the railroad track. Started in living in the hearts of men forever and a day. I want to cross over into land rock. Donc vous êtes bien toujours sur Radio Libertaire, Bulle de Rêve, et on écoutait donc le très beau cours de John Henry and the Inky Poof de Georges Pal. Georges Pal est pas quelqu'un qui est forcément à la base. Georges Pal est un Hongrois. Il part aux États-Unis. C'est le roi, donc il fait des poupées tunes. C'est le roi des marionnettes. Il est pas là. On a l'impression avec John Henry, en effet, donc il raconte l'histoire de ce noir américain qui va combattre une machine qui construit le chemin de fer. Voilà, la voie ferrée plus rapidement. Georges Pal est loin d'être le garant comme ça d'une image noire, puisque il a un petit héros qui s'appelle Jasper, avec un truc terrible, un épisode terrible s'appelle Jasper, notamment And the Watermelons, où on voit ce petit garçon en train d'abuser de pastèques. C'est loin d'être malheureusement intéressant. Ça nous rappelle ce qui s'est passé avec Tex Avery, donc et notamment le fameux coffret où Tex Avery était sur la base de la caricature, et que malheureusement il utilisait cette caricature aussi bien pour les noirs américains qui étaient représentés souvent en africain avec des os, des choses comme ça, que avec les rednecks, donc les abrutis campagnards américains, qui étaient représentés aussi de manière stupide, et qu'il y avait une caricature qu'il fallait expliquer. Malheureusement, plutôt que de tenter de l'expliquer le racisme latent qu'il y avait à une époque, on préfère supprimer. C'est beaucoup plus facile, comme ça on n'explique pas, on n'a pas à chercher à comprendre, et évidemment c'est beaucoup plus facile. Ce John Henry est vraiment, comme je disais, la Spike Lee disait que c'était quelqu'un d'important. Je lis juste un tout petit bout de texte de Samuel Blumenfeld, journaliste du Monde, qui est dans le Poupée Toon, qui est dans le coffret Poupée Toon, dans le DVD Poupée Toon. En 46, donc là je dis ce que dit Samuel Blumenfeld, en 46, Georges Pal puise directement à la source dans les contes noirs les plus connus pour réaliser John Henry and the Inky Pooh. force de la nature. John Henry dirige une équipe de cheminots et défie le nouveau marteau-piqueur pneumatique Linkipou. Il meurt d'épuisement, mais il a gagné son pari et prouvé qu'aucune machine ne pourra surpasser l'homme si l'homme s'est mis en tête de battre la machine. Et Bonnie voit d'ailleurs immédiatement dans John Henry le premier film qui rend hommage au folklore noir et met en scène un héros noir. Miracle des miracles, c'est l'une des rares productions hollywoodiennes qui évite les stéréotypes et montre l'homme noir avec dignité, imagination, poésie et humour. John Henry représente le sommet artistique de l'histoire des poupées Toons et l'un des ultimes épisodes de la série avec Death with Duke, un hommage à Duke Ellington. Si George Pal a immédiatement inspiré toute une génération de metteurs en scène, les poupées Toons n'ont en revanche presque pas eu d'héritier. Voilà, c'est pour un peu expliquer le John Henry. On va passer maintenant, il me semblait important par rapport à ça, justement, de montrer par rapport à cette animation qui a toujours eu du mal. On va parler du problème qu'ont les Américains avec tout ça et avec la présentation du nom américain, avec deux personnes qui vont plus nous parler, là je vous ai parlé un petit peu au niveau de l'animation, mais d'un événement qui va se passer samedi prochain par rapport à Mumia Abou-Jamal. Ils vont nous en parler un petit peu plus. Je reçois donc honneur aux jeunes femmes. Elsa, bonjour. Bonjour. Et je reçois, alors que je connais un petit peu plus, Samuel Legitimus, qui est le petit-fils d'une des plus grandes actrices martiniquaises, Darlene Legitimus, que vous avez sûrement remarqué. J'espère, j'espère qu'il y aura quelque chose l'année prochaine pour normalement son centenaire. Elle aurait dû avoir 100 ans, elle nous a quittés en 99, elle aurait dû avoir 100 ans. Darlene Legitimus, vous l'avez vu dans plein de films, Le Dernier Tango à Paris, bien sûr, Boulevard du Rhum, elle est uncredited, elle n'est pas créditée, mais elle est dedans, La Poupée, Le Feu Follet, Napoléon, etc. On n'y peut rien, si tout le monde a vu ce film, on se souvient surtout d'elle, parce que moi j'étais en larmes quand je l'ai vu, bien sûr d'Henri Cazenègre, où elle joue un rôle absolument incroyable, et elle obtient le Grand Prix de la meilleure actrice à Venise en 83. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs qu'elle n'ait pas eu le meilleur César, ça me paraît un petit peu fou, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Lequel de nous deux veut nous parler un petit peu de cette affaire, Mumia Abou-Jamal, quand ça a commencé? Samuel, Elsa, vous battez pas, allez-y, vas-y. Non, je pense que beaucoup de monde maintenant sait qui est Mumia Abou-Jamal. Ce journaliste de Philadelphie, qui était animateur de radio, qui se battait, qui est appelé la voix des sans-voix, parce que il mettait en lumière les bavures policières dans la ville, et donc qui était l'ennemi des forces de police du maire, et qui en 81 a été accusé du meurtre d'un policier, meurtre qu'il a toujours déclaré n'avoir pas commis. Et à la suite d'une parodie de procès, il a été condamné à mort en 82. Et depuis 82, donc depuis 24 ans, il est dans les couloirs de la mort de la prison de Green en Pennsylvanie. Ce qui prouve que cette histoire n'est pas très crédible, 24 ans dans les couloirs de la mort, il y a beaucoup de... Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de prisonniers comme ça qui attendent depuis aussi longtemps? Non, c'est justement pour ça. C'est peut-être le seul prisonnier politique emprisonné aussi longtemps dans les couloirs de la mort. Il y a effectivement d'autres prisonniers, mais qui sont de droit commun, qui sont dans les couloirs de la mort. Mais là, et ça va être intéressant le jour même, le 29 avril, la manifestation que l'on donne va vous éclairer un peu plus sur l'affaire, parce qu'elle est quand même assez complexe, mais c'est vraiment, vraiment une lutte entre un homme juste, un homme lucide, qui parle un peu trop fort, qui donne son point de vue et qu'on essaye de bâillonner. Alors, en parlant de ça, juste, je vous laisse prendre un petit stylo. Vous allez noter, il y a un site très intéressant qui est donc que vous connaissez bien, bien évidemment ici, qui est 3W. Alors, il est un petit peu long, mais on va y arriver. Cosimap, COSIMA2P, tiret, trait d'union, Mumia, MUMIA.org. Je répète, Cosimap, COSIMA2P. Trait d'union Mumia, MUMIA.org. Y a plein de choses sur ce site, toute l'affaire, avec description du procès, l'histoire politique de Mumia, les censures des écrits, etc. Et il y a même, pour dire que ça s'intéresse évidemment au cas Mumia Abou-Jamal, mais il y a plein de choses qui sont aux États-Unis encore non résolues dans leurs problèmes, et notamment il y a tout un dossier sur Leonard Peltier, aussi grand prisonnier politique indien, lui. Alors, pourquoi Je sais, on n'a pas pu le passer parce que le son était vraiment pas bon. Je sais qu'en France et notamment à Paris, puisque Bertrand Delanoé a fait Citoyen d'honneur, c'est ça, hein, oui. Moumia Boudjamal. Qu'est-ce qui d'un seul coup donne l'envie qu'est-ce qui donne l'envie de se battre, ça, on se doute, et qu'est-ce qui donne cette envie d'un seul coup de faire une journée spéciale avec une rue, la première rue qui va être portée au nom de Moumia Boudjamal. Elsa, tu peux nous en parler un petit peu de cette cérémonie et pourquoi? L'inauguration de la rue Moumia Boudjamal, qui va donc être la première rue qui va porter son nom dans tout le monde, donc c'est un événement assez fort. C'était pour relancer vraiment une pêche vraiment au mouvement, parce que il s'est passé quelque chose d'assez horrible j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quelque chose comme 6 ans à peu près. C'est que les États-Unis ont reconnu publiquement que le procès de Moumia avait un nombre assez impressionnant d'erreurs judiciaires, de choses illégitimes, de vices de forme et tout ça. Ils ont reconnu publiquement que le procès était illégal, hein, comme ça. Et donc, ils ont dit que Moumia ne serait plus condamné à mort. Et il y a des tas de gens qui militaient pour Moumia, qui se battaient pour lui, qui se battaient pour sa liberté, pour qu'on lui reconnaisse, qu'on lui rende justice, qui ont cru en fait que Moumia était tiré d'affaire, que c'était bon et qu'avec cette nouvelle, youpi, on pouvait tout arrêter. Or, Moumia est toujours dans les couloirs de la mort, rien n'a changé pour lui, si ce n'est qu'il ne sait pas quand est-ce qu'on va décider de le tuer ou de le relâcher. Donc il n'y a pas de date au-dessus de sa tête, mais simplement, voilà, il y a des tas de gens qui se sont fait un petit peu duper par cette nouvelle, alors que pour les États-Unis, ils ont reconnu leurs erreurs, mais ils ne veulent toujours pas refaire de procès. Ils disent qu'il est pourtant coupable. Donc on voulait des choses très fortes, comme on fait déjà des manifestations pour lui. D'ailleurs, tous les mercredis de 18h à 20h, on milite place de la Concorde, en face de l'ambassade des États-Unis. On milite pour lui, donc on invite tous les auditeurs à venir nous rejoindre. Ça se fait juste assez facilement, militer devant manifester, c'est bon, on a des autorisations. Il y a des autorisations, d'accord. Non, parce que moi j'ai vécu quelque chose, il y avait un festival Nemo et il y avait... quelque chose en face. Les ambassades des États-Unis sont quand même grandioses. On est venu 2 fois dans la salle nous dire qu'un vélo était mis devant l'ambassade des États-Unis et qu'il serait détruit s'il n'était pas enlevé dans les 10 minutes. À vélo. Il y a une autorisation et on peut donc faire le piquet de 18h à 20h. Sauf qu'il y a des choses drôles. Ça veut dire qu'il y a par exemple le cas d'une personne qui est venue pour militer avec nous et qui, devant partir à 18h, voulait partir prendre le métro qui est juste à côté, et les policiers qui l'empêchent en lui disant non, le piquet il est de 18h à 20h, donc il faut attendre jusqu'à 20h. C'est pas mal. Donc, des policiers qui en fait disent non, il faut que vous continuez à militer, c'est un monde à l'envers. Il faut pas trop faire peur non plus aux gens, enfin clairement on arrive quand même à s'en aller, hein, si on veut avant 20h, venez quand même, on en a besoin. Mais pour donner une petite note un peu plus joyeuse, on a quand même des bonnes nouvelles. On sait que la situation judiciaire de Moumia a légèrement changé depuis le mois dernier, puisque la Cour d'appel fédérale des États-Unis a rendu un jugement décisif concernant Moumia. C'est la décision la plus importante depuis son arrestation il y a un quart de siècle. C'est en effet la première fois qu'un tribunal, qu'il soit d'État ou fédéral, rend un arrêt qui puisse conduire à un nouveau procès et donc à la libération de Moumia. Donc l'importance là aujourd'hui, c'est de se battre pour la possibilité de ce nouveau procès. Dans lequel Moumia va comparaître libre. Parce que c'est important, il faut voir que c'est aussi une sorte de torture physique, psychologique. Moi, je ne m'imagine pas dans les couloirs de la mort plus d'un mois. Hein. Lui, c'est même pas un mois, un an, 2 ans, c'est 24 ans. Et à partir de là, il y a cet homme-là qui est père de 3 ou 4 enfants, je ne me rappelle plus, qui n'a jamais pu vraiment toucher sa famille, les embrasser, les serrer contre lui depuis 24 ans. Il a des petits-enfants qu'il n'a jamais vus. Donc on n'imagine pas la force morale de cet individu. Moumia Boudjamal représente dans le monde le combat contre la peine de mort, pour la liberté d'expression, puisqu'on a essayé de l'empêcher d'écrire, puisqu'il voulait quand même à travers les couloirs de la mort faire son métier de journaliste. Il a écrit 3 livre totalement extraordinaire, mais on a essayé de le punir pour cette raison. On l'a mis au secret pendant des mois, et il se bat aussi pour ça. On a essayé de le censurer, et malgré tout, par un miracle que lui seul peut nous dire, à avoir une émission toutes les semaines. Il a une chronique de quelques minutes qui passe sur diverses radios. Et est-ce c'est écoutable sur Internet, on le sait? Absolument. Ou, ouais. Il y a une... Est-ce qu'il y a l'adresse? Oui, je pense, Alors, je le dis de tête. On va te laisser regarder, on va te laisser regarder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une très brève pause musicale. On va revenir après pour parler exactement du 29 et ce qui va se passer. On écoute Saul Williams et on revient juste après. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. Oh say can you, 20,000 ego leads beneath a seafoam cloud glazed with ink that stains when rains makes books of trees at once upon a dawn's early light born bitch of night, children of night make green say kings hereafter, thereafter the pricklings and demands and our decisions be timely. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. I'm the offspring of spring, reborn, bledged and sworn, the risen ash of the flag burned and torn. I'm the blood of the womb, the risen tide of the moon, the dark side that the light cannot hide. I'm the ages of history, read between the lines, the living truth behind your symbols and signs. I'm the son of a minister, love of a teacher, my mother taught me well, so I rebel. I'm the battle retold, yet a story untold, the hidden force behind a rock that was rolled. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. Oh say can you, 20,000 equal leagues beneath the seafoam clouds laced with ink that stains when rains makes books of trees at once upon a dawn, jolly light born rich of night, children of night may queens say kings hereafter, thereafter the trickling band demands that our decisions be timely. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. I'm the American born of beats and blood, the concert of the sun unplugged. Lift every voice and sing. Lift every voice and sing. And you don't stop. You don't stop. Alors, c'était donc Saul Williams de son album Amethyst Rockstar. J'aimerais qu'on écoute juste un tout petit bout d'une autre. Cette chanson qu'on vient, c'était Omnia American. I'm an American man. Les paroles de Saul Williams sont très politisées. Juste, j'ai découvert ça en reprenant l'album. Juste, on écoute environ 35 secondes d'une chanson qui s'appelle Penny for a Thought. On écoute. Cancel the apocalypse. Cartons of the Milky Way with pictures of a missing planet last seen in pursuit of an American dream. This fool actually thinks he could drive his Hummer on the moon, blasting DMX off the soundtrack of a South Park cartoon. Niggas used to buy their families out of slavery. Now we buy chins and links, smokes and drinks. They're paying me to record this. Even more if you hear it. Somebody tell me what you think I should do with the money. Yes, Fred, tell me what you think I should do with the money. Exactly how much is it gonna cost a free meal? What you gonna do with this freedom? Talk on the radio? Radio programming is just that. A brainwashed and cleaned of purpose. To be honest, some freedom of speech. Okay, donc c'était le début de Penny for a Thought. Et si vous parlez bien, moi j'ai en plus les paroles, c'est plus facile. Il parle de Mumia. Et il parle, alors c'est étonnant parce qu'il devait peut-être venir, il dit quand même quelque chose comme il dit qu'est-ce que ça va coûter de libérer Mumia, qu'est-ce qu'il va faire de sa liberté, parler à la radio, les programmes radio, c'est ça, les cerveaux lavés, du lavage de cerveau et nettoyés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens, alors même si Saul Williams devait venir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui. Ont du mal à croire et qu'aujourd'hui la liberté d'expression c'est quand même la base même de ce qui peut nous rester comme démocratie, c'est déjà difficile. C'est quoi ce d'un seul coup, c'est un petit peu embêtant. Qu'est-ce qui se passe? T'en penses, Sam? Pour faire court, il reste plus 5 minutes. Voilà. Non, je pense qu'il y a un grave problème aux États-Unis. C'est entre guillemets ce lavage de cerveau qu'on fait constamment avec les médias, le cinéma, la télévision. Où l'Américain a du mal à croire que sa justice puisse être injuste, puisse être criminelle. Et il y a un grand schisme entre le peuple africain-américain qui, lui, n'a aucun doute, pour l'avoir subi, que la police peut, par exemple, dans le ghetto, avoir des actions criminelles. On se rappelle d'ailleurs du meurtre de la Black Panther Fred Hampton dans son lit, de 42 balles tirées par les flics. Donc à partir de là, il y a un problème. Il y a un vrai problème, c'est que si la police dit que Mumia a tué un policier, que c'est un cop killer comme on dit, eh ben on ne met pas la parole de la police en cause. Et c'est un peu cela la force d'un homme comme Mumia. C'est un homme qui nous invite à être vigilants, à tout remettre en question. Et il nous dit, d'ailleurs, tous les articles qu'il a écrits et qui sont édités en direct du couloir de la mort, ce qu'il y a de magnifique, ne parle pas de sa situation en prison. Il continue à faire son métier, puisqu'on l'empêche de le faire, depuis le couloir de la mort. Et puis il donne son avis sur le rap, il donne son avis sur la guerre en Irak, il donne son avis, j'en suis sûr, sur le CPE. Dans peu de temps, il va pouvoir écrire. C'est un homme lucide qui garde les yeux ouverts. Je te coupe, Sam. Je suis désolé. C'est vrai qu'on va vite, mais on va laisser Elsa quand même nous parler en 2-3 minutes de cette manifestation. Vas-y, je te laisse ta parole pour nous dire exactement tout ce qui va se passer en 3 minutes chrono. Je te laisse parler pour ça. Vas-y, je t'écoute. Voilà, donc samedi, en fait, il va se passer à Saint-Denis, donc l'inauguration de la rue Mumia Abou-Jamal, qui sera l'occasion d'apprendre l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas, de s'informer, de débattre, de vraiment de réfléchir sur son cas et tout ce qu'il y a derrière tout ça. Et également, ça sera un événement très festif parce que ça sera à l'occasion de l'anniversaire de Mumia Abou-Jamal et on est aussi là pour célébrer la grandeur de cet homme, la grandeur de ce journaliste. Donc on va lui faire vraiment une super fête, on va lui envoyer des photos, on va lui envoyer des messages et il faut qu'il reçoive de l'amour aussi de l'autre côté derrière le couloir de la mort, il faut qu'il reçoive tout notre soutien et que ce soit pas que des larmoiements. Et donc, alors ça commencera à 11h30. Donc il y aura l'inauguration officielle de la rue Mumia Abou-Jamal avec la municipalité de Saint-Denis. Donc ça sera dans le quartier Cristino Garcia, juste à côté du RERB La Plaine Stade de France. C'est vraiment, vous sortez du RERB La Plaine Stade de France, il y a un fléchage mais c'est vraiment à deux pas. Donc vous trouverez sans problème. Ensuite à 12h30 on fait un grand repas festif parce que c'est aussi une sorte de fête de quartier. C'est une nouvelle rue à Saint-Denis, faut que tout le monde se retrouve et tout ça. Donc il y aura une association malienne qui sera là pour faire la nourriture et tout ça. L'après-midi on a... On va avoir un steel band, des fanfares, on va avoir des arts de la rue, on va avoir de la danse et des lectures avec Samuel d'ailleurs. De la vidéo. De la vidéo. On va avoir également une bibliothèque où il y aura tous les écrits de Mumia qu'on pourra lire, qu'on pourra acheter, qu'on pourra en discuter. Un atelier pour enfants. Il y aura un atelier pour enfants, oui, il y aura du graphe, de la peinture, plein de choses. Je vais très vite, mais il y aura plein de choses. Il y aura du slam. Oui, aussi. Oui. Il y aura également donc dans l'autre côté une sorte de forum où on débattra, où on pourra voir aussi pour avoir aussi sur vidéo les aveux de l'homme qui dit avoir tué le policier. Alors qu'on accuse Momia de l'avoir fait, mais on a les aveux sur cassette vidéo d'Arnold Beverly, qui lui est en liberté, mais qui avoue avoir tué ce policier. On aura ces aveux-là. On aura trois avocats de l'équipe de défense de Momia qui viennent des États-Unis, voilà, et qui pourront débattre avec vous. Il y aura une délégation des États-Unis avec donc les représentants de la force militante des États-Unis, oui. Et comme non, juste parce que malheureusement, et comme c'est une fête, parce qu'il faut faire, c'est une fête. Et il y aura un grand concert à 19h30, un grand concert à la ligne 13. La ligne 13 qui est par contre métro Porte de Paris, donc toujours à Saint-Denis. Le concert coûte 5€, tout sera reversé pour la défense de Momia. Il y aura du rap avec Houssen et 13K, il y aura EM, il y aura Rossé, il y aura du jazz avec Bobby Few Quartet, il y aura plein de choses, Thibaut Evora, les Capverdiens. Et on aura quelques messages magnifiques et exceptionnels, puisqu'il y a Harry Belafonte qui nous envoie une vidéo de soutien de 3 minutes. Je termine juste sur une chose. Le lendemain, il y aura à 15h, parce que ça continue pour réfléchir à tout ça. Le lendemain, à 15h, il y aura un film qui dure 2h, qui sera projeté toujours à l'atelier, donc à côté du RERB, La Plaine, là où on aura fait l'inauguration de la rue. Il y aura ce film qui met en exergue la mobilisation, la force militante qu'il y a aux États-Unis, et il y aura un débat là-dessus. Donc si les gens veulent revenir le lendemain, il n'y a pas de problème, tout est gratuit et tout ça. Parfait. Numéro de téléphone ou quelque chose. Il y a un mail. Il y a un mail pour toute information. Notez bien juste le mail. Alors c'est rue-mumia-st-denis@nolog.org. Alors rue, bon, facile. -mumia, M-U-M-I-A, -st-denis, D-E-N-I-S, @no-log. Parfait. Merci beaucoup. On s'est un petit peu dépêché parce qu'on attend. Mais voilà, dernière petite chose à la galerie La Banque, c'est pareil. Je connais pas l'adresse exacte. C'est www.bankgalerie.com. Mais vous trouverez ça dans tous les programmes. Il y a une exposition de photos sur les Black Panthers, avec notamment des photos de William Klein qui se déroule en ce moment à la Banque Galerie. Important d'y aller. Faut continuer à se battre. On va finir pour laisser avec une chanson, allez, tout en douceur, de Roland Orzabal, tirée de la BO de Donnie Darko. It's a mad world, c'est un monde un peu fou, oui, mais il faut continuer à se battre, parce que on pourra en sortir quand même quelque chose. Moi, je vous dis à bientôt pour Bulle de Rêve, on sait pas encore quand, et donc à la prochaine, et continuez à réfléchir. À bientôt. Merci. Merci. Dans quelques instants, la tribuna latino-américana. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow.